Croquis de cloître. De poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Croquis de cloître. À pleine voix, midi soleillant au dehors, et les chants reposant, les nonnes sont chantées, dans un balancement de phrases répétées et entente, comme un rappel de grands remords. Et peu à peu, les chants prennent de tels essors, les antiennes sont sur de tels vols portées, à travers l'ouragan des notes exaltées, qui tremblent les vitraux au fond des corridors. Le jour tombe en drap clair et blanc par les fenêtres, on dirait voir pendus de grands manteaux de prêtres, à des clous de soleil, mais soudain, lentement, les moines dans le chœur taisent leur mélodie, et pendant le repos, entre deux psalmodies, il vient de la campagne un lointain meuglement. Fin de Croquis de cloître.